Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Sur les sites américains, on a vu arriver une petite web série qui pourtant part d'une énorme licence. Moi, j'aurais voulu faire une petite aparté sur Stargate Origins. Donc Stargate Origins, vous avez compris, ça vient de la franchise Stargate. Donc on a eu Stargate tout court, donc Stargate SG1. Après on a eu Stargate Atlantis, Stargate Universe. Et là maintenant on nous présente un Stargate Origins qui se déroule dans les années 30-40, juste avant la guerre, vers l'expansion nazie en fait. Ouais, en fait, ça reprend un peu l'intro du film, quoi. Où ils découvrent la porte des étoiles et ils sont en Égypte, si je me souviens bien. Et y a la petite fille avec son collier, qui est Catherine Langford, si je me souviens bon. Et en fait, c'est cette histoire de Catherine Langford qui grandit et qui se fait face à des nazis, quoi. Il y a un côté un peu Indiana Jones, d'ailleurs, non? Alors voilà, Stargate Origins, ça me fait penser à Indiana Jones, un petit peu, vraiment un tout petit Ouais. peu. Ça me fait penser aussi, malheureusement, un tout petit peu à Stargate. Et ça me fait penser beaucoup à une fan web series. On voit que le budget est pas là, on voit que c'est prévu juste pour faire plaisir à quelques fans. Bah, ça me gêne un peu, moi, Stargate Origins. Et dans quel format? Bon, on sait que c'est une bonne série, mais il y a combien d'épisodes et ça dure combien de temps, les épisodes? 10 épisodes d'une quinzaine de minutes maximum. Ouais, du 15 épisodes, mais il n'y a pas le temps de développer beaucoup de trucs dans ce. Non, et puis là, j'ai déjà vu donc les 6 premiers et ben, y a toujours rien de développé. Donc, c'est-à-dire, c'est un nazi qui arrive d'Allemagne, hein, forcément, c'est un Ouais. nazi qui arrive en Égypte. Ils viennent de déterrer, enfin, non, pas ils viennent, ils ont déterré la porte. Ils pensent juste que c'est une sculpture ou un truc dans le genre. Et le nazi arrive, il connecte deux pinces de camion sur une batterie à la porte, il la tourne à la main et pouf, il arrive. Bon, je dirais à Bidos, mais je suis pas sûr de moi. Donc, ça nous a amené comme ça. Premier épisode, ils arrivent, ils démarrent la porte, ils savent exactement comment ça marche et ils traversent le portail et ils arrivent sur une planète où il y a un Goa'uld. En place quoi. Pharaon, quoi. Une espèce de Non. rat, c'est pas rat Ouais, c'est qui. pas Ra, ce qu'on sait, on apprend plus tard qu'il a été banni par Ra sur cette planète, ou enfin on sait pas s'il a été banni ou puni ou on sait pas quoi. Mais non, la seule référence à Ra qu'on nous fait, c'est quand Langford nous montre son collier, quoi, où il y a le symbole de Ra dessus. Donc il y a quand même une séquence de voyage spatial, quoi. Voilà, il y a une séquence De complètement vortex, recyclée. quoi, ouais. Le vortex est complètement recyclé, c'est ce qui est apparu dans la série, hein. C'est Ouais. exactement le même. Voilà, Le quand... truc qui se rétracte sur lui-même, Ouais, le là. trou de Ouais. ver, hein, c'est ça, le Ouais, wormhole, c'est exactement ouais. ça. Après, voilà, donc on a trois personnages principaux, plus après trois, quatre personnages secondaires, donc les nazis sont plus secondaires là-dedans. Et puis les trois personnages principaux, dont Langford qui va essayer de sauver son père, mais enfin, elle passe plus sa vie à parler avec des Touaregs et à manger qu'à essayer de sauver son père. Donc c'est, j'ai plus l'impression qu'on a voulu nous faire plaisir en nous balançant beaucoup de coucou les fans, regarder comment est arrivé le premier voyage intersidéral dans Stargate. Ouais, je m'interroge un petit peu sur l'histoire des batteries que tu me dis là. Il me semble que dans le film, fallait quand même plus d'énergie pour ouvrir la porte des étoiles. Alors quand l'équipe SG1 voyage dans le temps, par exemple, il démarre 4 ou 5 camions pour pouvoir alimenter la porte pour un voyage. D'accord. Et là, il branche deux pinces à batterie sur une bagnole allemande. Bon, apparemment, ils émettent beaucoup d'électricité, les bagnoles allemandes, parce que ils n'ont pas de problème. Ils démarrent le machin comme qu'ils rigolent. Et ça, le machin, il reste actif 2-3 minutes, hein, même pas le temps d'un claquement de doigts. Ouais, parce qu'il faut l'alimenter le bazar quand même. Voilà, donc dans les Stargate, on nous annonçait qu'il fallait littéralement couper un générateur d'une centrale électrique, de le rediriger en dessous de la montagne pour pouvoir l'alimenter Ouais, avant c'est qu'il ça. trouve les bases de C'est Nakoda. niveau nucléaire bientôt, Ouais, hein. voilà. Et puis là, bah, c'est bon, mais deux pinces à camion, ça ira. Voilà, C'est donc pas un peu ridicule comme aspect bah en sur. fait voilà, c'est complètement kitsch, complètement ridicule, on n'arrive pas à y croire, les épisodes sont durent que 10 minutes et je les trouve longs. Bah bon. Et en fait, c'est la MGM qui a décidé de faire une web série, si jamais cette web série fonctionne, de relancer la licence Stargate. Elle marchera jamais, c'est une web série que seuls les Américains peuvent voir. Oui, c'est sur YouTube que tu peux voir ça. Bah en fait non, Non? j'arrive à trouver les sources. Ouais, enfin bref. Voilà, et donc, mais c'est même pas présent sur YouTube, c'est présent sur les sites américains, donc je passe par un VPN pour aller les voir. On en parlera de la légalité plus tard, Ouais. mais ça s'adresse vraiment à des guetteurs, hein, et encore, voilà, c'est des petites séquences de 10 minutes qui nous font coucou les fans, c'est-à-dire un petit combat avec un Jaffa par ici, un Goa'uld qui parle par là. Les esclaves, dont le fameux Banyuwe, qui voilà, qui parle avec l'Égyptien avec les autres, et il n'y a pas vraiment, on sait pas où ça nous amène. Ouais, ça me passionne pas tellement ce que tu me racontes, hein, pour être franc. Moi, j'ai bien aimé le film, déjà qui était sorti en 95, je me souviens bien. Déjà, j'aime bien Kurt Russell, donc je trouvais qu'il était très bien dans le rôle du colonel O'Neill. Il était accompagné de son fidèle acolyte, le savant Daniel Jackson. Et là, ils étaient qu'à deux, et c'était le film de Roland Emmerich, il me semble. C'était un film assez réussi, quoi, avec quelques peut-être notions de science-fiction un peu classique. Oui, c'était en plus l'un des rares films qui nous proposait une théorie sur le néo-évhémérisme, donc ça changeait un petit peu. La théorie des anciens astronautes, c'est C'est ça, ça. le néo-évhémérisme. Donc ouais, ça portait sur quelque chose de bien, c'était regardable. C'était à la fois un film d'action, à la fois, pas vraiment un space opéra, hein, Non, mais non, non. à la fois un film, moi, je vais pas dire d'anticipation, hein, faut pas déconner non plus. Mais non, ça nous posait quelques questions, et puis c'était un scénario original qui se regardait bien, et le film était bien rythmé. Ouais, c'est vrai, et puis il y a une belle musique aussi, parce que bon, la musique, le thème est très connu maintenant de Stargate. On l'a même entendu dans la bande-annonce de Lost in Space, il me semble. Et aussi, ben, après, ils ont commencé à faire un univers dérivé avec la série, avec Richard Dean Anderson, alias MacGyver. Bon, moi, j'ai regardé toutes les saisons. Je trouvais que de saison en saison, ça faiblissait un peu. En plus, les équipes ils changeaient régulièrement. Jackson, c'était même pareil à un moment. Maintenant, ils étaient à 5. Il y avait le Jaffa, c'était un Jaffa, Teal'c. Ouais, Teal'c c'était Ouais. un Jaffa, lui Donc. c'est tout le... enfin, lui il est resté constant dans tous les épisodes, hein, Ouais. c'est-à-dire que je crois que c'était le seul qui était toujours dans la même équipe. Il Après, il y a eu y a Carter. non, celui qui remplaçait O'Neill à un moment, ouais, enfin, je sais Ouais, plus. tu veux celui qui est en noir, là? Non, c'était un mec, un Ouais, Marines. je vois le tu veux dire. Enfin, bref, voilà, on n'a pas retenu les autres Ouais. équipes. C'est Et tellement. c'est vrai que ça a perdu en jusqu'à Ouais. la saison 7, ça Ouais. allait. Mais le problème, c'est qu'à la saison 7, normalement, ça devait être remplacé par Stargate Atlantis. Mais enfin, allez, ils ont voulu plus d'argent, et ils ont continué SG en même temps qu'Atlantis. Et après, t'as eu les crossovers, quoi. Après, il y a eu quelques crossovers un peu lourds, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, Atlantis, qui nous a fait connaître Jason Mahoam. Jason Momoa. Mawam, ouais. Et après Stargate Universe qui changeait complètement de l'univers Stargate, c'est-à-dire que Stargate SG-1 c'était plus spectacle familial, Ouais. vraiment. Avec des épisodes un peu sombres quand même, des Ouais, mais fois, hein. c'était vraiment voilà, c'était des plus des découvertes, etc. C'était plus familial, enfin, sauf certains épisodes. Stargate Atlantis qui était plus dans l'adaptation d'un nouveau monde où tout le monde parle anglais, hein, ça c'est pratique, hein, toutes les planètes parlent anglais. C'est clair que Et Stargate ouais. Universe, très oppressant. C'est-à-dire que ça a changé complètement. C'était plus mature, hein, faut dire ce qu'il faut, mais très oppressant et très dur à suivre. Bah surtout avec les méchants qui s'appellent les Rays, je sais plus comment ils Alors s'appellent, les Wraiths, c'est les dans Wraiths, l'Atlantis. qui se nourrissaient justement du flux vital des humains, quoi. Oui, enfin, et les Goa'uld qui s'injectent dans les humains pour pouvoir survivre Ouais, aussi, mais ça. c'était quand même plus glauque, je trouve, dans Ah, les la Wraiths, fin, c'était manière un de peu plus faire. glauque, mais Ouais. ça restait quand même une bonne comédie Parce qu'on familiale. voit qu'ils perdaient quand même leur. Ils n'étaient pas seulement blancs, on aurait dit qu'ils se vidaient complètement de leur énergie vitale quand ils étaient soit avec les Rays. Voilà, donc Stargate SG-1, bon, une bonne série quand même, Ouais, pas hein. mal, moi Bon, il y a eu des je. longueurs, mais sur Ouais. 10 saisons, c'est ça? C'est normal qu'il y ait des longueurs. Stargate Atlantis, bon, moi j'ai apprécié les Ouais, c'était épisodes. sympa. Bon, le fait qu'ils étaient dans leur espèce de station de cité qui sort de l'eau, quoi. Oui, puis c'était un peu plus international, c'était plus les Ouais. Américains qui venaient sauver la situation, ça Ouais. devenait un peu plus international. Bon, même si en général, ceux qui mouraient en premier, c'était les Canadiens et les Français. Et après, on avait Après, il y a les Stargate vaisseaux. Universe, là, ça redevenait américain. Bon, c'était plus oppressant, c'était une survie dans l'espace, milieu inconnu, etc. Ouais, c'est plus Et là, intime. Stargate Origins, c'est juste 5-6K qu'ils explorent une porte spatiale par erreur et puis qu'ils se retrouvent dans leur monde. Bah voilà, c'est pas très bien amené, c'est pas très bien tourné. Bon, en même temps, voilà, c'est le budget d'une web série, hein, faut pas déconner non plus. Et s'ils voulaient relancer une licence Stargate avec Origins, je pense que c'est raté. Ouais, dans Stargate Universe, il y avait aussi Robert Carlyle, cet acteur que j'aime bien, là. Rumpelstiltskin pour ceux qui connaissent. Pardon? Qui jouait Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time, pour ceux qui connaissent. Ah oui, c'est vrai, il joue là-dedans. Mais sinon, je trouvais que le casting était assez fade dans l'univers. Ils étaient un petit peu stéréotypés, t'avais le gros, t'avais la chinoise, enfin, je décrirais pas, mais bon, vous regardez la photo, vous verrez la photo d'équipe, vous allez voir ce que je veux dire. Bon, dans Atlantis, c'est un peu plus glauque, Stargate SG-1, c'est vraiment l'univers dérivé. Il y a quand même pas mal de. Il arrivait d'avoir qu'il arrive des bébés. pas très spatial parce que l'humanité est quand même arrivée à construire des gros vaisseaux à la Star Wars. Ouais, voilà, le X-301 qui se fait dérober par des journalistes terroristes, par exemple, mais ça, on va y repasser. Ouais. Donc, ils arrivent quand même à s'approprier des technologies pour pouvoir se développer eux-mêmes en tant qu'humains. Ça, c'était tous des points qui me plaisaient bien dans la série Stargate. Il y avait un épisode qui m'avait marqué, c'était l'épisode dans le futur, mais je ne veux pas non plus commencer à tout. Où justement, ils étaient face à une race soi-disant pacifique et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont là pour détruire progressivement l'humanité par justement en stérilisant tous les hommes. J'ai trouvé que cet épisode était vraiment bien écrit et qu'il était très sombre dans le contexte. Il y avait beaucoup d'épisodes bien écrits quand même le déphasement aussi, c'est-à-dire qu'à un moment il se fait déphaser de la réalité Jackson et puis il se retrouve en fantôme en fait dans la réalité. Oui, c'est l'ascension, c'est pas ça. Non, c'est pas quand il fait l'ascension, il se fait déphaser par des crânes de cristal. Moi, je pensais à Indiana Jones. Après, il y a eu des épisodes aussi, Teal'c qui doit apprendre de passer d'un niveau d'esclave à un niveau de libre. On avait quand même beaucoup, beaucoup de sujets abordés dans Stargate. Les personnages étaient bien développés quand même. Puis après, il y avait des histoires parallèles, après, il y avait des complots, des trucs comme ça. Mais non, il y avait quand même il y avait de la variété. C'était pas toujours la même lignée, comme les séries de maintenant où c'est toujours le même ennemi qu'on affronte pendant 20 épisodes. T'as même un gros clin d'œil Star Trek, excuse-moi. Du fait qu'il y a un univers miroir aussi, Stargate, avec justement les Goa'uld qui sont des grands conquérants, et Teal'c qui devient une espèce d'exterminateur. Ouais, voilà, on a eu ça aussi. On a eu les sauts dans le temps aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, ils se retrouvent dans les années, je sais plus, 30-40, je ne saurais plus trop dire, ou 60, c'était les années 60. Voilà, donc on a eu un bel éventail pour la science-fiction. C'était une série quand même qui était bien tournée. Hein. Puis Richard Dean Anderson En O'Neill, c'était... Moi, personnellement, je m'étais dit, c'est MacGyver, quoi, c'est un nom violent. Et en fait, il a pris son rôle à contre-pied complètement de MacGyver. Et il y en avait des références et c'était jouissif. Richard D. Anderson en O'Neill, c'était jouissif. C'était un bon successeur à Kurt Russell, quoi, finalement. Oui, et pourtant, moi, la première fois que j'ai vu Richard D. Anderson dans Stargate, je me dis, pas lui, il est pas crédible dans le rôle. Et en fait, si. Préjugé. Comme il sort des vannes tout le temps et que même dans les pires situations, il garde le sourire. Je sais pas, il dégageait quelque chose dans Stargate qui changeait un petit peu de ce qu'on connaissait. Ouais, il y a un capital sympathique, quoi. Ouais, puis c'était à la fois un héros, un anti-héros aussi, quand il voulait bien. Voilà, la hiérarchie, il n'y en a pas grand-chose à faire. Enfin, voilà, ça changeait un petit peu. Atlantis, c'était un peu plus convenu. Donc pour revenir sur les dernières saisons de J1, il y avait l'histoire avec les Illuminati. Les Ori, c'était complètement nul, j'ai trouvé ça. Ben voilà, le problème c'est qu'à la saison 7, ils avaient enfin annihilé les réplicateurs. Ouais. Puis le problème c'est qu'ils ont voulu relancer les saisons au lieu de faire confiance à Atlantis. Et là c'est devenu un peu beau, complètement plus dur à suivre. Et tiens, il y a une belle chronologie dans Stargate. Hein. Alors Stargate SG-1 contre les Goa'uld, donc c'est-à-dire que ça fait des millions d'années que les Goa'uld. Des milliers, d'années que les Goa'uld gouvernent l'univers et ils arrivent à les battre en cette saison. Après, ils sont contre les réplicateurs où ça fait des dizaines de milliers d'années où ils font des ravages et ils le battent en une ou deux saisons. Et après, ils ont les Ori, que ça fait des millions d'années qu'ils arrivent à terrasser tout le monde et ils le battent en une ou deux saisons. Donc, au plus on a voulu dans Stargate, au plus c'est rapide de se débarrasser de ses ennemis. Ouais, c'est clair qu'il y a aussi un rapport de force qui est un peu bizarre, quoi, des fois. Voilà, ça m'a fait penser. On va couper là, les saisons et on abrège parce qu'on en a marre de voir trouver les mêmes ennemis. Il y a une accélération cosmique. Il y avait une accélération formidable. Rays, pareil, ça faisait des millions d'années et on les bat en 3-4 saisons, y a pas de problème. Ouais, c'est parce qu'il y a Jason Momoa. Mais heureusement que Aquaman était là parce que sinon on était perdu. Mais sinon donc pour en revenir à Stargate Origins, parce que faudra bien revenir aussi, la MGM avait dit, donc si Stargate Origins marche, on verra pour relancer un Gate Universe, c'est à dire qu'à Stargate je sais plus quel nom ils avaient proposé. Là je pense que réduire à une web série visible uniquement aux États-Unis, c'est à dire que les ultra fans comme moi doivent malheureusement tricher pour l'avoir, je pense que c'est quelque chose qui est mal parti pour avoir une suite à Stargate. Ouais, non, je voulais revenir sur l'univers dérivé, c'est parce que je pense qu'il y a eu une série animée aussi Stargate, où ils sont en armure, ils avaient prévu aussi, la MGM aussi, de faire un remake du premier, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai aussi apporté quelques précisions. Par contre, j'ai jamais vu ce que donne la série animée. Je pourrais pas donner un avis. Non plus, moi, série animée, j'ai pas vu, et voilà. Et puis l'univers étendu Stargate, il est trop confidentiel en France pour pouvoir être... pour être exploité. Donc moi, voilà, Origins, vous pouvez aller le voir, ça vous prendra pas trop de temps, c'est des petites séquences de 10-15 minutes, mais vous attendez pas à quelque chose de fantastique, c'est plus du blabla et de la convenance, et puis des clichés racistes, enfin je veux dire, des nazis. Ouais, un peu comme Indiana Jones, quoi. Ouais, c'est des nazis comme dans Indiana Jones, exactement. Exactement. Donc c'est des nazis allemands qui parlent anglais devant un pharaon égyptien. Oui, ok, d'accord. Ok, c'est le bon. Le mec, il comprend tout, quoi. Non, le pharaon égyptien parle égyptien. Hein. Ah, et côté pratique, ils ont enlevé le père de la fille, que lui, il parle à peu près égyptien. Comme ça, c'est plus facile pour se comprendre. Donc voilà, c'est pas quelque chose de grandiloquent. Enfin, c'est pas choquant non plus, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut rater, même si on est un bon guetteur. D'après ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que c'est quand même une série qui est réservée aux fans, quoi. Oui, c'est réservé aux fans. Hein. Puis c'est... Tous les épisodes que j'ai vus, c'est coucou les fans. D'accord. À chaque fois, dans chaque épisode, on nous montre quelque chose qui va faire tilt dans la tête des fans. Et je pense que cette web série sert juste à ça. Bon, je recommande aux fans hardcore. De toute façon, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de mal à vous la procurer. Voilà. Mais je pense pas que ça relancera la licence Stargate. Bah, revoyez les premières saisons de SG1. Je crois que c'est les meilleures. SG1, première saison. Les 7 premières saisons, c'est, je pense, ce qu'il faut retenir en particulier de l'univers Stargate. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À la prochaine.